Moi je suis un gars de la baie. J'ai mis la mer dans mon sac. Puis je vais l'emmener là-bas avec moi pour ne pas perdre le cap. Je te chanterai.